Tonman. Il est 23h12 et j'en suis là. Je cherche un frein à un destin. Je ne trouve que des menaces. Les substances euphorisantes remplacent les esprits euphoriques. Une phrase de perdue et aucune de retrouvée. Je cherche à m'éloigner de toi.